Micro ouvert. Deuxième partie des Gilets jaunes au rond-point de Rochefort, à Bruxelles. À savoir, samedi 2 octobre, ce sera à Charleroi. Je vous invite à suivre sur la page FB, là, événement Gilets jaunes Belgique. Vous tapez événement Gilets jaunes Belgique et vous aurez toutes les infos pour le samedi 2 octobre 2021 à Charleroi. Moi, je suis gilet jaune depuis le début. Ouais, et j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes toujours là? Bah, qu'est-ce qu'on fait là? On a repris les ronds-points il y a peu de temps, donc voilà, c'est plus parce que pendant la période Covid, les gilets jaunes se sont laissés aller. Et voilà, on voulait relancer le mouvement, donc ça fait maintenant le quatrième rond-point qu'on fait. Et on ne sait pas ce qu'on fera après, mais ça permet déjà de renouer le dialogue, quoi. Sinon, si je peux dire un petit mot, c'est pour Renew Belgium. Renew Belgium, c'est quelque chose de très intéressant. Ils sont Comment occupés... tu as dit Renew Belgium. Ils sont occupés à récolter 25 000 signatures pour pouvoir faire une assemblée citoyenne constituante. Donc voilà, si vous allez sur renewbelgium.be, il faut signer absolument. Pourquoi? Ben justement, pour pouvoir justement faire des assemblées, refaire la constitution et que ce soit contraignant. Donc c'est ce qu'on a demandé, on a rentré déjà au Parlement fédéral, ils ont accepté. Mais maintenant, il faut les 25 000 signatures. Pour bien faire, il en faut plus. Si on veut avoir du poids, il faut au moins 100, 150 000 signatures. Quoi, je tutoie facilement. Hein. Oui, parce... tu crois que c'est de cette manière-là? Tu crois comment renverser? Alors moi, personnellement, j'y crois pas. Mais on est obligé, quelque part. On nous offre ce moyen. Si on n'y va pas, on va déjà nous reprocher. Oui, mais attendez, on vous met les choses en place et vous ne les utilisez pas. Alors, on est obligé de les utiliser. C'est lourd parce que, justement, on l'a déjà fait pour le Parlement wallon, Parlement flamand et Bruxelles. Là, c'était 1000 signatures. C'est déjà pas mal de rechercher 1000 signatures, surtout pendant la période Covid. Mais finalement, ça n'aboutit à rien. Ah. Donc, les 25 000 signatures, et j'ai peur que ça n'aboutisse à rien. Mais quelque part, on pourra leur dire au moins, voilà, nous, on essaye. Vous l'avez fait, quoi. Mais on peut, voilà. Un stade plus loin. Faire que les gens prennent conscience qu'il faut bouger, quoi, qu'il faut bouger. Et à mon avis, ça va venir, hein, parce que si on remarque là maintenant, tout augmente, mais tout augmente vraiment. Et je pense que pendant un an, tout va encore augmenter. Donc j'espère qu'il y aura, hélas, de plus en plus de gens dans le besoin qui se rendent compte, qui sortent et qui disent non, ça ne va plus, quoi. Il nous faut un autre modèle démocratique. Et quoi, c'est la force du nombre, alors vous croyez à la force du nombre dans la rue? Comment vous imaginez les choses? Une confrontation, de la violence, comment vous voyez les choses? On n'en sait rien, moi j'en sais rien. Moi non plus, j'en sais rien. Mais, si c'est une révolution, s'il y a toujours un peu de violence, ça c'est sûr. Je pense que là, ce sera ça. Mais en attendant, voilà, pour l'instant, on utilise les outils qu'on nous donne. Ce qui n'est déjà pas facile, c'est déjà un long combat. Hein, parce que 25 000 signatures, 1000 c'est déjà énorme, 25 000, pendant une période Covid ou voilà, masque, comme ça, c'est pas évident de rattraper des signatures. Mais voilà, il faut utiliser le système pour bien dire que le système, il pose problème, pour le changer. Voilà. On peut avoir un prénom ou tu préfères pas? Oui, non, Docpat. Merci. Toi, cher ami, qu'est-ce que... C'est le prétexte à la rencontre, hein. Allez, les gilets sont de retour, on va dire, mais il paraît que non, ils sont jamais partis. Oui, mais en fait, moi, je viens de rejoindre le mouvement... Et simplement, je vois qu'on est dans une société où, depuis plus de 40 ans, c'est de la manipulation, mais en permanence. Et donc, à chaque fois, le gouvernement qui promet des choses, mais qui n'ont jamais tenu, et c'est un cercle vicieux, et ça tourne. Tout ce que je vois, c'est des triangles dramatiques. Et alors, les précédents accusent ceux qui les ont... Enfin, les suivants accusent les précédents, et c'est toujours ainsi, et c'est toujours reporter la faute sur l'autre, mais il n'y a rien qui avance. Et tout est toujours de la manipulation, parce que le pouvoir, il reste où? Il reste là-haut. Et on prend des décisions, on prend des décisions qui sont... J'ai démissionné, j'étais conseiller emploi au Forum. Au départ, pour moi, c'était... un rôle social où j'aidais les gens. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'on rentrait de plus en plus dans un système de contrôle, où on mettait des gens à l'emploi, mais sans tenir compte de rien du tout au niveau humain. Et c'est juste être un outil du système. On n'est plus que ça, des éléments d'un système à entretenir. Et l'humain, est complètement absent du système. Il n'y a plus que le financier qui compte, la rentabilité. Et donc, moi, je dis stop, ce système ne peut pas survivre. Je crois qu'il est au bout de ce qu'il a pu faire. Et s'il n'y a pas une prise de conscience de dire on change complètement le système, parce que quand on regarde au niveau social, mais c'est de pire en pire. Mais comment changer justement? Comment est-ce que tu vois le futur? Moi, je sais rien, hein, comme toi. Mais comment tu t'imagines que les choses vont se passer? Une révolution de conscience. Je ne vois que ça. Il y a une... Essaye d'être plus concret, quoi. Un jour, tous les gens vont se réveiller, ils vont avoir conscience, c'est ça? C'est ce qu'on espère, c'est l'histoire non, mais allez, du c'est centième pas possible, singe, c'est l'histoire de... Non, comment ça, c'est pas possible? Moi, je crois que tout est possible. Moi, je pars toujours du principe, c'était mon chemin, c'est se dire, si on pense que quelque chose est impossible, c'est clair que ce sera impossible. Si à partir du moment où on se dit, tout est possible, ça change toute la donne, parce que toutes les portes, elles peuvent s'ouvrir à ce moment-là. Je me suis recyclé dans... vraiment dans tout ce qui concerne le domaine des croyances. Et je me rends compte qu'au niveau des croyances, il y a énormément de croyances limitantes. Je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est parce que j'aime bien être dans le concret, parce que les gens, ils disent souvent, il suffit de machin, mais soyons dans le concret aussi, moi j'aime bien ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je déteste le mot impossible, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Excuse-moi. Non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais concrètement, quoi? Les gens vont avoir faim, et de plus en plus, les gens vont aller dans la rue, les gens... Comment, quoi? Alors, actuellement... Il suffit de faire des signatures, et enfin, le pouvoir va nous écouter. Non. Actuellement, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien qui peut passer parce que les gens sont dans la peur. Donc, à partir du moment, tant qu'on reste dans la peur, on est manipulé par ces peurs. Et on reste dans le système. Donc, tant que les gens... ne passe pas le cap de la peur, rien n'est possible. Donc c'est simplement se dire, ok, je regarde mes peurs en face, je regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui m'anime? Il n'y a que là, et là c'est une prise de conscience individuelle, c'est à chacun à faire un état de conscience par rapport à la société, c'est se dire, est-ce que je suis heureux dans ce système? Mais la réponse, on la connaît, ça fait longtemps que les gens ne sont pas heureux, tu vois, j'ai... Bon... Alors, on passe à autre chose. Oui, non, mais qu'est-ce qui maintient les gens dans le système? C'est ce que j'explique, c'est la peur. Mais non, mais moi, je ne cherche pas à savoir. On sait très bien pourquoi les gens sont dans le système. Et ça fait longtemps, c'est une vieille histoire. D'accord. Moi, ce que je me disais juste, c'est aujourd'hui, là, maintenant, je vois que tu as mis ton petit gilet jaune. Tu l'as dit toi-même au début, je viens, c'est nouveau, ça y est, j'ai enfilé le gilet jaune, je viens, je m'engage, je viens sur le terrain. C'est la solution, mais c'est à un niveau individuel. C'est à chacun se dire, je prends mon bâton de pèlerin... Et c'est pas un niveau collectif? Si, c'est un niveau collectif, mais ça se passe d'abord à un niveau individuel. Oui, mais donc, évidemment. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas assez d'individuels qui se disent, on crée un collectif, ça va bloquer. Donc, c'est à chacun de se dire, ben voilà, on voit, il y a des gens qui se réveillent, qui ont envie, comme moi. Moi, j'étais... à ma place, je militais, mais derrière mon écran, à dire ce que je pensais par rapport au système. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein. Voilà. Et donc, je décide à un moment de bouger. Je reste derrière mon écran, mais quand il y a une manifestation, voilà, je suis là. C'est simplement ça. Si on ne fait pas l'acte de venir à la manifestation, on peut rester pendant 10 ans derrière son écran à râler. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de gens qui manifestent depuis plein d'années, hein. Tu sais ça, il y a plein. Oui, hein, mais ça je sais, ça je sais. Ça fait 15 ans qu'ils manifestent, ils se rendent compte que ça ne bouge jamais, donc maintenant ils ont changé de tactique. Oui. Je suis une emmerdeuse. Hein. Mais il faut chercher. Non, bon, allez. C'est dire stop. Conclusion. Au système, non. Mais ça on est d'accord. Mais la solution elle passe par là, c'est que chacun dise on n'en veut plus de ce système. Et que chacun... prennent ses couilles et se disent « j'arrête ce système, je n'entretiens plus le système, c'est la seule façon ». Donc chacun à son niveau peut se poser la question « qu'est-ce qui fait que je peux poser un acte vers un monde dont j'ai envie ?» Donc c'est arrêter d'entretenir cette grande distribution, c'est un acte simple. d'arrêter d'entretenir ces groupes et de plus se diriger vers un petit commerçant local et compagnie. C'est ainsi qu'on peut changer les choses. Ouais, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple, c'est plus cher aussi. Enfin bon, allez, je vais voir d'autres gens. Merci à toi, ton prénom ? Fred. Merci Fred. Avec plaisir. Ah, des filles, vous allez bien ? Vous inquiétez pas, je suis un média gentil. Si tu fais ça, c'est vraiment comme tu dis. C'est comme, non, c'est comme tu dis. Mais moi, je suis gentille. Bon, allez. C'est pas que t'es méchante. Non, mais aujourd'hui, t'es au courant, les médias aujourd'hui, waouh, tu dois prendre. Non, t'es pas. Il faut prendre. Il faut prendre un bouclier parce qu'on risque de ramasser, tu vois. Mais non, t'inquiète, il n'y a pas de caméra, on voit rien, c'est juste la voix qu'on entend, on sait même pas qui tu es. Mais ouais. On peut savoir. Tu es jolie aussi. Mais toi aussi, tu es belle. Donc, tu vois, restons dans la beauté de notre rencontre, plutôt que d'être dans le. Qu'est-ce que tu veux ? Mais parce que j'ai beaucoup interviewé de gars là. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Ah, bonne idée. J'aime bien entendre aussi la voix des femmes. Eh bien, depuis des millénaires, les femmes savent ce que c'est que l'injustice sociale, tout simplement. Mais pourquoi tu dis ça ? Mais tu es une femme. Oui ? Donc ? Donc ? Please, I have not repeated. Ben pourquoi ? Mais parce que c'est le monde patriarcal. Ah, le capitalisme est un monde patriarcal. Et c'est la domination virile. Une fausse virilité. Ok, mais ici, là, maintenant, je vois que tu as le gilet jaune. Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans ? Oui. Je pose la question, c'est un prétexte pour la rencontre, mais c'est le retour des gilets jaunes. Mais non, ils ont toujours... En fait, à cause du confinement, c'était compliqué de se retrouver. Et le rond-point, c'était symboliquement la rencontre des gilets jaunes pour se faire voir. Parce que le gouvernement nous perçoit comme un danger, alors qu'en réalité, nous ne sommes que représentatifs de chaque citoyen, chaque personne ici est différente, c'est la biodiversité humaine. Le gilet jaune, c'est ça, au fait. Voilà, et ce n'est pas terminé, on est loin d'avoir terminé la lutte. Ah bah, elle ne fait que commencer, je crois, non ? Non, elle a déjà commencé déjà avant, les Greenpeace, tout ça, mais on en est aux constatations, mais c'est fini les constatations. Maintenant, il faut vraiment changer vraiment à la Constitution et aux droits de l'homme, appliquer la Charte des droits de l'homme, excuse-moi. T'inquiète. Je n'ai pas répété. Non, t'inquiète. Ça va, tu t'endors ? Oui, je m'endors. Non. Elle est cynisme. Elle est jolie, mais elle est cynique. Elle est dangereuse. C'est chouette un peu, sinon on s'endort. Hein ? Qu'est-ce que... C'est la première fois que je viens ici, donc... Un rassemblement de gilets jaunes, c'est la première fois. Un rassemblement de gilets jaunes, voilà. Tu as envie de bouger, alors ? Mais pourquoi ? C'est la crise du Covid, moi, qui m'a un peu ouvert les yeux sur toutes les inégalités, sur toutes les pressions, sur l'autoritarisme, effectivement. Et donc, le hasard a fait que j'ai rencontré quelques gilets jaunes. Je m'étais fait une image fausse de ce qu'étaient les gilets jaunes. C'était quoi l'image ? Ce que les médias mainstream donnaient ? Et effectivement, dans cette crise-ci, j'ai réalisé à quel point les médias étaient menteurs, manipulateurs et propagandistes. C'est la première fois que je le remarquais. Ah oui, c'est vrai, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est la première fois que tu voyais que les médias te racontaient n'importe quoi. À ce point-là, oui, à ce point-là. Mais surtout qu'ils faisaient de la propagande, et une propagande mensongère. Donc ça, c'est la première fois, oui, tout à fait. Donc voilà, du coup, j'ouvre le champ. Comment tu as réalisé qu'ils te racontaient n'importe quoi ? C'est-à-dire que je me suis levée un matin, au tout début de la crise, à Bruxelles, on voyait tous ces gens avec le masque, j'ai eu mal au ventre, c'était viscéral, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme de dire, ferme ta gueule de mettre ce truc. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser, je me dis, et au départ, je suis une bonne citoyenne, une bonne obéissante, en me disant, voilà, s'il se passe quelque chose. Et au fur et à mesure, je suis aussi écrivain, et je me dis, je ne comprends rien à leur histoire, qui change tout le temps, le fil rouge évolue, c'est complètement... dissolu et ça va toujours dans le sens de plus de pression et chaque fois qu'on perd un droit, il va falloir se battre pour le regagner, parce qu'on voit bien que jamais, on ne fait marche arrière, parce qu'on nous dit toujours c'est provisoire, mais le provisoire dure depuis 2 ans et demi. Et essaye de parler de choses concrètes pour qu'on comprenne, parce que tu dis, donc tout ce que tu racontes là, c'est par rapport au Covid, au masque, au confinement, tout ça en fait, tout ça. Ben oui, et par rapport à l'autorité, par rapport aux politiques, c'est la première fois où j'ai si peu confiance aux politiques et où je trouve qu'il y a même un côté, ils sont totalement en déconnexion et avec un côté peut-être malsain, effectivement, lié à l'argent. Mais ça, tu ne le savais pas déjà un peu à l'avance ? Oui, mais ici, je trouve que... Parce que ça te touche directement, là, en fait. Là, ça nous touche directement, en fait. Vous ne pouvez plus sortir, si vous ne mettez pas le masque, vous avez une amende. Et peut-être parce que ça nous touche directement, alors du coup, schling, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau, non ? Oui, certainement. Oui, certainement que c'est lié à un côté personnel, parce que ça touche les enfants, ça touche... Mais ça touchait à mes valeurs fondamentales aussi, qu'avant je pouvais exercer, entre guillemets, où je pouvais être alignée sur mes valeurs et fidèle à moi-même. Ici, c'est plus possible. C'était quoi tes valeurs ? Mais je veux dire des valeurs d'abord de liberté, des valeurs d'égalité, des valeurs de solidarité qui sont bafoués, et au contraire, c'est la délation, c'est des tas d'autres valeurs qui se mettent en place, et tout le monde y va et a l'air content, et des valeurs de suivi aveugle des mesures qu'on vote, voilà. On peut avoir un prénom ? Joël, et toi tu t'appelles comment ? Margot. Mais non ! Enchantée. C'est trop mignon, Margot ! C'est le prénom de ma fille ! Alors, ça me touche encore plus que ce soit toi qui m'interroge. Oui, enfin, qui me... Écoute, je voulais aussi te dire, quand il faut toujours aller à la source des problèmes, toujours aller à la source des problèmes. Ce qu'ils font, c'est des cadenas sur des cadenas sur des cadenas qui se pérennisent, comme elle expliquait. Et au final, on ne va pas à la source des problèmes. Et finalement, c'est rentré en nous que c'est normal. Et ça n'est pas normal. Ce n'est pas humainement normal, biologiquement normal, voilà. Merci Margot. Je te remercie, tu t'appelles ? Graziella. Oh, c'est joli. Graziella, ouais. Elle est belle en plus aussi. Merci Graziella. Merci, ça me fait plaisir. Je repose la question, hein. Qu'est-ce que tu fais là en gros ? En gros, moi je suis venue en renfort donc pour les Gilets jaunes. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on a commencé à parler des Gilets jaunes il y a 2-3 ans, ils ont ouvert les yeux sur beaucoup de problématiques. Enfin, ils ont permis aux gens d'ouvrir les yeux sur beaucoup de problématiques. Je ne me suis jamais vraiment investie dans le mouvement parce que, voilà, égoïstement, j'étais touchée, je me sentais concernée, mais pas directement impactée. Donc ils avaient tout mon soutien. Et ici, depuis justement la crise Covid, rétrospectivement, on s'est rendu compte que les alertes qu'ils ont lancées étaient vraiment fondées et les problématiques, on rencontrait les problématiques dont ils avaient averti 2 ans auparavant, ces problématiques arrivaient donc en 2020. Et là, je me suis dit, effectivement, ils ont toujours eu raison depuis le début. Et donc, de fil en aiguille, comme j'ai participé à énormément de manifs depuis 2020, j'ai eu la possibilité de rencontrer l'un ou l'autre Gilet jaune, parce que dans ma région, il y en avait très peu. Quelle région ? Mons. Et donc, du coup, les échanges n'étaient pas fort possibles. Tandis qu'ici, depuis la crise, vu le fait qu'il y a des manifs, des rencontres, etc., j'ai rencontré énormément de Gilets jaunes qui sont investis dans la cause, mais dans toute cause qui défend l'injustice, en fait. Dans toutes les causes qui défendent l'injustice, voilà, et qui prônent l'humain, la liberté, et qui prônent vraiment le côté humain des choses. Et on en arrive dans une société où l'inhumanité devient la religion principale, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc voilà, j'ai développé mon esprit gilet jaune, même si je ne l'affiche pas avec un gilet, mais je suis venue avec eux et je continuerai à les accompagner dès que ce sera possible sur d'autres ronds-points et en tout cas continuer le combat. Je veux dire, il ne faut pas être gilet jaune pour pour combattre et défendre ces idées et leurs idées, parce qu'on est tous des gilets jaunes quelque part, quoi, dans l'âme, voilà. On est tous gilets jaunes quelque part, c'est beau ça. Pour rebondir à ce que tu as dit, je suis d'accord, c'est qu'il faut cesser ce corporatisme. Une fois sur les infirmières qui et une fois c'est les... J'allais le dire justement, vivement qu'on soit tous ensemble. Quand voilà, même. C'est ça, c'est exactement, et c'est ce qu'elle expliquait. C'est tout le monde, c'est chaque citoyen, citoyenne, chacun. Et voilà, c'est pour rebondir à ce qu'elle a dit, parce que j'approuve ce qu'elle a dit. Merci. Tu t'appelles comment ? Isabelle. Isabelle, tu viens de Mons alors ? Oui. C'est pas tout près. Hein, c'est pas tout près, mais je me déplace toujours sur Bruxelles, Liège, partout on doit être entendu et où ça vaut la peine. Voilà, faut oser bouger. Et avoir des fois aussi les moyens, tu fais du covoit. Vous mettez à plusieurs, j'imagine, pour si jamais les gens... Oui, bien sûr, on fait du covoiturage et en plus, ça permet de faire des connaissances, de nouer des liens, de créer de nouvelles amitiés, quelque part. Alors, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais quelque part, au niveau relationnel, merci Covid, parce qu'ils essayent de nous brimer, mais ils ne vont pas y arriver, parce qu'ils ont réussi à souder plein de personnes qui, avant, ne se seraient jamais rencontrées, et c'est bien. Ça fait trop plaisir, ça, c'est bien. Voilà, ouais. Voilà. Merci, hein. Avec plaisir, merci à toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Alors, je souris. Vas-y, explique-nous, parce que... Donc, il y a le rond-point, ici. Tu es assis sur un petit tabouret. J'ai très mal aux jambes. J'ai 71 ans. Hein. Et j'ai 71 ans et j'ai très mal aux jambes quand je suis longtemps en station debout. Donc, un ami m'a amené ce petit fauteuil. Et en même temps, j'en profite pour sourire aux voitures. T'as un espèce de... Comment ça s'appelle ? C'est un smiley, mais sur un... Comment on dit ? C'est comme un plateau, voilà. Et tu le montres... Un plateau de brasseur, de brasserie, oui. Oui, mais enfin, je le montre. Ah oui, c'est parce que... Oui, d'accord. Il n'y a pas d'image, hein. On a occupé à décrire. Et donc, tu présentes ça aux voitures qui tournent au rond-point. Qui dit « La charité, c'est fini ». Ce n'est pas mon affiche, c'est l'affiche de la jeune fille là, en short. « Nous exigeons la justice ». Mais en fait, la pauvreté, c'est une création capitaliste. Et ce serait pas mal. Tu vois le jeune homme avec des lunettes qui dit qu'il ne veut pas parler aux médias. Mais ici, là ? Oui, avec un petit sac noir sur le côté. Ouais. Il est économiste, il a fait des études en économie, il m'a amené, parce qu'on vient de Belœil et lui de plus loin, et il m'a expliqué l'économie, la bourse, les actionnaires, le CAC 40, etc. Et tout joue là-dessus. Et même nos gouvernants n'ont aucun pouvoir. Ben, ils ont quand même... je sais qu'aujourd'hui, on dit que c'est l'économie qui domine, mais quand même, c'est l'humain qui gère tout ça quand même. C'est lui qui a le pouvoir de dire stop ou pas, tu vois. C'est pas simplement une économie... Non, il y a quand même l'humain qui décide. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est pourquoi ces dignitaires élus ne le font pas ? Parce qu'ils sont aux mains des lobbyistes. Il y a 40 000 lobbyistes au Parlement européen. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Comment se fait-il que nos élus aient accepté ce jeu ? Dès qu'il y a un problème concernant la population, ils créent des injonctions qui se pérennisent, hein, comme on avait dit, des petits cadenas, etc., très vite. Mais par contre, ça, ils laissent toute liberté aux lobbyistes. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre là ? D'abord, nous, la population, nous ne les payons pas. Nous payons nos élus pour bosser pour nous. Et alors, il ne faut pas mettre un qualificatif de PDB, de communiste, de socialiste. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas... Tu as compris ce que je veux dire. Il n'y a pas de qualificatif à mettre dessus. Ce n'est pas, pour moi, c'est une pratique mafieuse. Selon moi. Hein. Ça n'engage que moi. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah. Vraiment, hein, y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que c'est l'économie maintenant avant tout. Je suis d'accord. Mais C'est quand même les humains qui créent les lois, qui créent. Tu comprends les valeurs. C'est pas l'économie toute. L'économie toute seule, elle tombe par terre. Hein, tu vois ce que je veux dire. C'est les humains qui sont acteurs quand même de ce monde dans lequel on est. Quoi, tu vois ce que je veux d'accord, dire. Mais ils sont tellement. Ce qu'il disait dans la voiture aussi. Il disait, on est tellement manipulés qu'à un moment, regarde, à l'école, on devrait apprendre la citoyenneté, la philosophie dès le jeune âge, dès l'école gardienne. Les religions, basta, c'est privé, c'est à la maison. La morale aussi, cours de morale, tu imagines le terme morale, il faut regarder la rhétorique de ce qui nous... Et ils manipulent comme ça. Eh bien non, on devrait changer, et tu verrais qu'on créerait des êtres autonomes qui ont leur libre arbitre. Ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus. Je suis d'accord. Ah oui. Ah ben alors, je vais pas dire je t'aime parce que tu es d'accord. Même quand tu n'es pas d'accord, je t'aime, tant que tu n'es pas violente. Non, mais c'est vrai, tu as raison aussi. Ton approche de faire ce que tu fais, tu as totalement raison. Et tu as des yeux perçants. Mais c'est extraordinaire parce que tu captes. Bon. Allez, on va voir Jim. On va voir Jim. Parce qu'il ne veut pas parler. Il me dit, je ne veux pas le mettre en avant. Mais c'est moi qui vais le mettre en avant. Allez, on va rencontrer alors. Attends. Donc, moi, je connais quelqu'un qui ne veut pas se mettre en avant, mais que, excuse-moi, mais que moi, je vais mettre en avant. Parce que nous parlons d'économie et j'ai du mal, je baragouine. Et elle était d'accord. Ah ben vas-y. Tu veux parler de quoi ? L'économie qui règne le monde, mais que les gens ont pouvoir le choix de pouvoir refuser, choisir contre l'économie, etc. T'as compris ? Donc moi je discute avec Margot. Ouais, moi j'aime bien les discussions. Et la conclusion, on va pas refaire toute la discussion, mais la conclusion de dire qu'au fond. Margot avait l'air d'être en covoite avec toi pour venir jusqu'ici. Elle disait, bah, tu vois, ce gars-là, il dit quand même que c'est l'économie qui domine, évidemment, hein, en gros. Hein. Et moi, je lui dis, mais évidemment que c'est plus que ça qui compte. Mais quand même, l'humain, il a le pouvoir de changer la donne, de créer des valeurs, de mettre cette économie sur un piédestal ou de le faire tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et ça... Il faut quand même rappeler que l'humain, il a un rôle à jouer là-dedans. Tu vois, c'est pas l'économie pour l'économie toute seule, quoi. L'économie pour l'économie toute seule. Est-ce que l'humain a vraiment envie de changer ça ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Nous, oui. Ouais. Bah, on est des humains, nous. Même parmi nous, je ne suis pas convaincu qu'on a réellement envie de changer de système économique. Est-ce que tu as envie de changer de système économique ? Qu'est-ce que ça veut dire, changer de système économique pour toi ? Sortir du capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Vas-y, dis-le-moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? En tout cas, c'est sûr que moi, j'en reviendrai au troc, hein, à l'échange. Tiens, moi j'ai ça, toi t'as ça. Moi, je vais loin dans mon truc, quoi. Tu vois, je suis pas du tout... Donc, tu vois, cette économie... La financiarisation pour la financiarisation, c'est le modèle dans lequel on est aujourd'hui. Ça veut dire que les humains, on n'en a plus rien à foutre. Moi, j'adhère, mais absolument pas, tu vois, j'ai jamais été pour. Mais même quand on disait que l'économie, les 30 glorieuses et tout, c'était génial, on pouvait acheter un frigo, on avait... Même à cette époque-là, moi, j'aime pas, hein, tu vois ce que je veux dire. Je suis vraiment pour une manière très simple d'échange basique, tu vois. Là, on est trop dans l'opulence, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on bouge pas. C'est peut-être qu'on a trop, quoi, tu vois, on a bouffé dans notre frigo, on... Le soir, on peut se branler avec notre smartphone, tu vois, c'est... Tu vois ? Oui, entièrement d'accord, oui. Mais... Sans smartphone aussi. Mais pour moi, malheureusement, la financiarisation du système n'est qu'une dérive malheureusement normale du modèle économique dans lequel on vit. On ne sait pas, on ne savait pas arriver à autre chose et on ne saura pas arriver à autre chose. Quand j'explique le système économique actuel, donc notre économie réelle ici, je parle, pour l'expliquer simplement, je parle de jeu du Monopoly. Tout le monde a déjà joué au Monopoly. Je déteste le jeu du Monopoly. Mais c'est malheureusement notre système économique et le jeu du Monopoly. C'est-à-dire que c'est un jeu individualiste basé sur la réussite personnelle. Et c'est les bases même de notre système économique qui est basé sur l'individualisme et la réussite personnelle. Ou liberté d'entreprendre, tout dépend comment tu vas donner le vocable. Et moi, je ne suis pas de ton avis en disant le troc. On s'en fout. Attends, laisse-moi finir. Pour moi, l'argent est utile. L'argent est utile. Ok, mais quelle est l'utilité première de l'argent ? L'utilité première de l'argent est d'éviter le troc. C'est-à-dire que T'as quelque chose que t'aimerais. Pas. Voilà, t'as quelque chose que j'ai pas. J'ai donné, mais j'ai rien de donné. Donc l'argent permet de le faire. Okay. Et toi, tu vas acheter à Margot. Voilà. Ça, c'est l'utilité première de l'argent. Le problème de modèle économique, c'est l'importance qu'on donne à l'argent. C'est uniquement ça. Le jeu du Monopoly, quel est le but? C'est gagner le maximum d'argent et toujours devenir de plus en plus riche. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à un stade, à l'heure actuelle du jeu, où vous avez des hyper riches. À un moment donné, les riches ont pris le rôle de la banque. Dans tout jeu du Monopoly, vous avez ça. Ce qu'ils ont toujours pris. Voilà. Et ici, on est dans le jeu où les pauvres ont déjà du mal à payer le simple loyer quand ils passent sur la case. Okay. Et qu'est-ce qu'ils font, les riches? Ben, ils mettent un hôtel ou une maison supplémentaire pour payer plus. Alors tu vas me dire, quelle issue on a à ça? Il y a trois... Je voulais juste te parler, ouais. Délicatement à l'oreille. Moi. Je pense qu'il y a encore des personnes qui méritent d'être interviewées, mais je ne voulais absolument pas interrompre Jim Jim. C'est... Non, mais... Oui, je l'ai fait, mais je comptais mais oui, mais de toute façon, à l'oreille de Gardien, là, on continue. C'est pas grave, ouais. Donc, je ne sais pas que tu sais, ce monsieur qui me dit que comment je dois... Ouais. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer que notre modèle économique est basé sur le jeu du Monopoly et quelles sont les solutions apportées à cela. En fait, si tu regardes vraiment les gens jouent au Monopoly, tu as toujours trois fins possibles. Ok. Soit les riches veulent continuer à jouer au Monopoly, ce qui est logique et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle avec nos dirigeants et notre super multinationale. Alors ils vont donner un petit peu d'argent aux pauvres pour qu'ils puissent continuer à jouer au Monopoly. Et qu'est-ce qui se passe 10 minutes plus tard, quand on a refait trois tours du plateau? Ben, les pauvres sont toujours pauvres et les riches sont toujours riches. Rien ne change, on a juste joué un peu plus longtemps au Monopoly. La deuxième solution, et qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, les pauvres, et j'ai déjà connu avec mes enfants qui jouent au Monopoly ensemble, ben, et s'il y a un pauvre qui a une plus grande gueule que l'autre, ben, il va les casser la gueule aux riches. Okay. Et il ne faut pas se leurrer, à l'heure actuelle, on vit une lutte des classes, tout simplement. La troisième solution, que j'aimerais bien, mais un peu utopique, c'est qu'on joue un autre jeu que le Monopoly. Il peut avoir des billets, mais qui n'ait plus cette importance. En fait. Et en tant qu'économiste, en fait, il faut arrêter d'être hypocrite. Si on veut sortir de notre modèle économique, si on veut casser l'importance qu'on donne à l'argent dans notre monde, on doit adopter, entre guillemets, des règles de vie qui ne vont pas plaire à tout le monde. C'est quoi ces règles de vie? C'est avoir des salaires maximum, avoir des multiplicateurs entre des plus petits salaires, des grands salaires, interdire la thésaurisation. C'est quoi la thésaurisation? C'est l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Vous dire, par exemple, que toi, tu n'as pas besoin de plus de 10 000 euros, que tout le reste, on verse à la collectivité. Il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de notre modèle économique, capitalisme, et de casser l'importance qu'on donne à l'argent. Mais est-ce que tout le monde veut entendre ça? Je veux dire, toi tu vas peut-être l'entendre, tu n'as pas 10 000 euros. Non, mais... Oui, mais est-ce que c'est vraiment la question? Est-ce que tout le monde veut entendre ça? Je crois que la majorité des gens sont mécontents aujourd'hui. On peut quand même... La majorité des gens sont mécontents, même s'ils ne sont pas là ici. Hein. Mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Prêts à faire quoi? Bah, à dire... Bah, écoute, moi j'ai une trop grande maison, je donne la moitié de mon terrain à quelqu'un qui n'en a pas, j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque, moi 10 000 ça me suffit. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire ça? Ça demande de se déconditionner, parce que des fois tu vois les gens ils se raccrochent au monde dans lequel on est, et on dit mais ah ouais. C'est plus les mêmes règles, on joue à autre chose, ça demande d'être déconditionné. À l'heure actuelle on définit l'être humain par rapport à ce qu'il est, pas en tant qu'être humain, mais par rapport à ce qu'il possède, son salaire, son job, ainsi de suite. Tout ça, c'est toute une mentalité différente qui doit être faite. Mais je ne suis pas convaincu que l'être humain, dans son ensemble, ok, peut-être toi, peut-être moi, peut-être les gens ici, soit prêt à ça. Je veux dire, je fais un métier où je côtoie plein de personnes. Je veux dire, il y en a un qui m'a... tout fier. Ah ouais, j'ai commencé mon potager, machin chose, génial. Il m'a rapporté sa première tomate. Un mois plus tard, solde chez Porsche. Il s'achetait une Porsche qui consommait 12 litres au 100 et qui pèse 2000 kilos. Quoi, tu lui as posé la question? Pourquoi tu as fait ça? Les gens sont faibles. Mais il ne faut pas en vouloir aux gens, il faut en vouloir au système. Voilà. Moi, j'en veux moi, pas. Je pense que les gens sont conditionnés, tu vois. Tu comprends, si on joue des règles où c'est super bien d'avoir une grosse Porsche parce que tu existes et tu vas faire baver les autres, eh ben, tu vas prendre ta Porsche, tu vois. Mais si c'est d'autres valeurs, si c'est d'autres règles, c'est ça qu'il faut miser. Ouais, mais tout est dans la communication. Hein. Ah ouais, mais pour y arriver, nos dirigeants vont passer la branche sur laquelle ils sont assis. Hein. Quoi, tu... Sans discuter des plombes, parce qu'avec des gens, ouais. Ça a discuté des plombes, ouais, mais j'aurais dû couper un peu, parce que sinon on reste des plombes. Tu vois le futur comment, toi? Comment est-ce que ça va se dérouler? Moi, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il va y avoir conflit dans la rue? Est-ce que ça va se passer par le politique? Le politique va se réveiller un matin en prenant conscience que oui, en fait, ce sont des gros enfoirés. Moi non plus, je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal. Et je vais te dire que ça dépend de ma mentalité du jour. Quelquefois, j'ai des pertes de foi en l'être humain. Et donc là, je vois tout en noir et que de toute façon, je me dis qu'il... l'être humain ne mérite pas de vivre, tout simplement, et que si on veut changer, il faudra passer par le sang. D'autres fois, je suis un peu plus joyeux, je vais dire ça comme ça, et optimiste. Et il suffit que je fasse une bonne rencontre d'un être humain magnifique, parce que j'adore. Les différences sont des richesses et on apprend beaucoup de l'autre pour améliorer mon moral et re-avoir foi en l'être humain. Et comment ça va se passer? Les politiques vont passer la branche à laquelle ils sont, donc faudra... Et pour moi, le point faible de notre système, si on veut changer notre système écologique, il faut changer notre système économique. Si on veut changer notre système social, il faut changer notre système économique. Et pour changer notre système économique, il faut changer de système politique. Et le point faible... Mais oui, mais comment on y arrive? Comment on y arrive? C'est ça vraiment la question, parce que tu vois, suffit de... Aujourd'hui, je pense que tout le monde a une théorie pour savoir comment est-ce qu'il faut... Tu vois, la théorie, on l'a, mais... J'ai lancé un projet, mais dans le projet Aucun. Alors Aucun, c'est quoi? C'est un projet qui consiste à essayer de créer une case sur les bulletins de vote que les abstentionnistes, les votes blancs, les votes nuls, les votes par TPI puissent cocher pour que leur voix puisse compter. Ok? Ça n'a que ça comme but. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de chef. Et chacun est libre. Si le projet t'intéresse, tu peux t'investir dedans. Tu as besoin de mon aide, je viendrai, et ainsi de suite. Peu importe ça. Mais admettons, par exemple, qu'un tel projet, ou un autre, peu importe, et qu'on se rende compte aux yeux de tous que notre système politique n'est pas ou plus démocratique, et qu'il faut en changer, mais ce n'est ni à moi ni à aucun de changer de système politique. Okay, c'est à la population de voir dans quelle direction ils peuvent aller. Là, on peut éventuellement espérer quelque chose. Mais dans notre système politique actuel, il n'y a rien moyen de faire. Ça, c'est clair. Donc il faut quelque part, pour moi qui est un homme de communication, le discréditer officiellement. Discréditer quoi exactement? Le système politique dans lequel on est. Qui n'est pas démocratique. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends à la télé passer un tel a gagné, par exemple, je prends les dernières élections en France, un tel a gagné avec 40% des voix et il y a eu 60% d'abstention. Donc en réalité, il a été élu par 10% des voix. Ok, donc qu'est-ce qu'il représente encore réellement par rapport à la population? Quand je vois la démocratie américaine où ces deux multimillionnaires qui se battent entre eux pour avoir le pouvoir et qui sont élus par même pas 15% de la population, qu'est-ce qu'on peut appeler ça, démocratie? Oui, mais c'est ça. Du peuple. Et comme ce n'est pas officiel et que c'est entré dans la communication et les mœurs d'avoir un vainqueur avec 40% et de vraiment représenter ou d'X, Y ou Z, on garde notre système par dépit, en piédestal. Mais s'il y a moyen de mettre un petit grain de sable dedans, moi je dis qu'il faut essayer. Parce que c'est sûr. Il n'y a que comme ça qu'on peut éventuellement essayer de changer les choses. Ou par le sang. Par le sang. Choisir. Oui, ou la violence. Ouais. Tu n'es pas obligé, oui, oui. Si, je vois pas d'autre solution, hein, comme le Monopoly. Tu casses la gueule ou tu essayes de jouer à un autre jeu. Mais pour jouer à un autre jeu... Il faut changer les règles de base. Merci à toi. On a donné ton prénom au début ou tu veux préférer pas le donner? Tu peux m'appeler Robert si tu as envie. Ok, mais... Robert. Ouais, c'est Jim. Okay. Robert Jim. Tiens. Ouais, mais lui, peut-être qu'il va se faire changer. Pourra retrouver les paroles d'ici. Ah ouais, pour écouter les autres. Ben ouais, ce serait marrant. Ouais, mais moi j'aime bien les discussions comme ça, tu vois. Ouais. Très intéressant. Oui, attends. C'est un journaliste japonais. Ouais. Il est contre les médias actuels. Ah ouais. Bonjour monsieur. Allô. Je ne sais pas. Il parle bien français. Pas tellement bien. Elle n'est pas média normale. Moi, je suis un média anormal. Avant qu'on commence. Ouais, dites-moi. Go, c'est parti. On continue alors ce micro ouvert autour du rond-point avec les gilets jaunes. La pluie a commencé à... C'est une petite pluie fine, toute fine comme ça. C'est pas désagréable. Il fait beau, il fait pas froid. Et on a notre kawé. Et je me retrouve ici sous un peuplier. Un bouleau. C'est un bouleau, rien à voir. Un très bel ensemble de bouleaux, là. Trois très beaux bouleaux. Voilà. Alors, en face d'une dame qui avait envie, on m'a dit, voilà, il faut que tu rencontres cette dame. C'est une intellectuelle, une universitaire qui a vraiment des choses intéressantes à dire sur les gilets jaunes. Voilà, je vais découvrir. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Corinne Gobin. Alors, oui, je suis universitaire. Je suis en fait politologue. Je travaille depuis... près de 40 ans maintenant à l'Université libre de Bruxelles en sciences politiques. Alors j'ai toujours été concentrée sur la même question depuis 40 ans, c'est comment on a pu sortir de régimes de forte exploitation et de domination tels qu'on l'a connu à travers toute l'histoire de l'humanité, notamment au 19e siècle. Et comment on a pu petit à petit évoluer vers une société dite démocratique, avec des droits, avec petit à petit l'idée que nous sommes tous égaux. Bien sûr, il y a eu aussi la Révolution française, il y a eu des mouvements qui ont précédé l'instauration progressive de démocratie. Mais c'est une question que j'ai dû me poser de manière très vive et très forte quand j'avais 18-19 ans. Hein, parce que fin des années 70, début des années 80, on voyait des régimes très durs se mettre en place. Il y avait bien sûr eu le renversement d'Allende au Chili avec la mise en place de la dictature de Pinochet. Il y avait Ronald Reagan qui mettait aux États-Unis des politiques et remettait des politiques très réactionnaires. Avec Thatcher. Oui, il y a Thatcher. Alors effectivement, quand on a 18-19 ans, qu'on voit Thatcher arriver au pouvoir et puis que l'on voit que ça continue, il y a eu l'Ubers aux Pays-Bas, puis il y a eu notre fameux gouvernement Martens-Goll en 81. Et donc chaque fois, on voit des mêmes programmes politiques, la même cohérence politique, c'est-à-dire vraiment la volonté de casser le système public démocratique qui fonctionnait notamment à travers le déploiement de très forts services publics qui permettaient vraiment de mettre en place une protection et une sécurité sociale. Et donc, ça m'a vraiment poussée à essayer de réfléchir. Mais bon, finalement, comment est-ce qu'on a obtenu cette sécurité sociale, cette protection sociale, remontant dans le temps, essayant de revoir dans notre histoire sociale belge quelles ont été finalement les recettes, les stratégies, les combats qui ont permis d'arriver à ce que l'on avait dans la société des années 70 et pourquoi revient-on en arrière. Et donc là, en observant ce qui se passait avec le néolibéralisme, j'avais vraiment la nette impression que l'on revenait en arrière et que c'était bien ça l'objectif, c'est-à-dire que l'on était dans une dynamique réactionnaire. Donc la notion vraiment de réaction, c'est au sens où on l'emploie depuis la Révolution française, hein, c'est-à-dire finalement la dynamique de la Révolution française avec le fait que il y a quand même un roi qui a été décapité. C'est une société humaine qui se dit que finalement, aucune institution ne doit être étrangère à l'humain. C'est nous qui sommes les producteurs de la société. Alors que les rois étaient présentés comme des représentants de Dieu sur Terre. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension qui dépassait les humains et qui était incontrôlable. La Révolution française, c'est vraiment un choix terrible, qui est d'accepter que dorénavant, nos sociétés vont être assumées complètement par l'humain. Et donc, la réaction, c'est faire en sorte qu'on nous raconte à nouveau des histoires, qu'on nous raconte un imaginaire politique global qui nous désapproprie de nos propres institutions et de notre propre histoire pour que l'on soit soumis au marché, pour que l'on soit soumis à ceci ou cela, mais que nous soyons justement en état de soumission et non plus en état de contrôle, d'autonomie, d'invention et de production autonome. J'entends bien tout ce que tu dis et essayons de ramener ici, évidemment que ça fait lien, hein, tout ce que tu racontes, ça fait lien ici avec les gilets jaunes, avec le monde dans lequel on est, mais tu idéalises beaucoup le... Mais bon, moi j'étais pas là en arrière, ça veut dire que voilà, je connais pas complètement bien toute l'histoire non plus, et peut-être on se souvient pas, et peut-être ce que je veux dire c'est que le pouvoir dominateur, on va l'appeler comme ça, qui écrase, il a toujours été là. Il a donné des miettes pour que les gens ferment leur gueule. Et aujourd'hui, ben, il a envie de reprendre tout ça. Voilà, on va simplifier les choses comme ça. Mais pour moi, tu vois, c'est... Voilà. J'ai l'impression que tu idéalises en faisant, oui, OK, les gens se sont battus, hein, ils ont acquis des droits, ils se sont battus, ils ne se sont pas laissés faire. C'est pas comme ça que les dominants écraseurs, tu vois, il y a eu des combats, quoi, voilà. Oui, je ne partage pas cette conception des choses parce que je pense qu'il y a un élément qui est fondamental dans les sociétés humaines, c'est la dimension symbolique. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire société, il faut que nous nous inventions collectivement une histoire. Alors cette histoire peut être catastrophique, cette histoire peut être vraiment très chouette et peut être vraiment source d'émancipation. Lorsque les gens se battent, ils sont obligés d'inventer une autre histoire qui va contre l'histoire des dominants et du régime. Et donc l'histoire de l'égalité entre les humains, c'est pour moi une histoire magnifique, c'est peut-être la plus belle histoire qui existe, mais je veux dire, étant donné que ça peut faire très sens, elle est aussi très contagieuse. Donc dans les dynamiques de transformation des sociétés, il y a eu vraiment de réelles transformations. Le fait que l'on ait une masse de gens qui se considèrent comme des citoyens, ça nous met dans une situation, les années 60, 70, ça nous met dans une situation qui était totalement inédite. Parce que jusqu'alors, les puissants, en fait, ils avaient des analphabètes face à eux. C'est très, très facile de manipuler des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Oui, mais c'est eux qui ont installé ce système d'écriture. Non, c'est un combat. C'est un combat. Je veux dire, il ne faut pas, il ne faut absolument pas du tout considérer que ce qui a été créé, c'est chaque fois des espèces de petites miroiteries, comme si on nous donnait des petits morceaux de verre cassé et qu'on nous essayait de nous faire croire que c'était des émeraudes, comme on a manipulé par exemple les Indiens, les Indiens d'Amérique lors du commerce au XVIIe ou XVIIIe siècle. Non, non. Je veux dire, les combats se faisaient sur base d'imaginaires politiques différents et sur base de conceptions de sociétés radicalement différentes. Et une partie de ces conceptions de sociétés différentes ont été instituées, se sont transformées en lois. La sécurité sociale, pour moi, c'est la vraie révolution réussie du XXe siècle. Et ce n'est pas du tout une concession, c'est une révolution. Parce que nous dit... Pourquoi ? Parce que... Moi, je suis d'accord avec toi, dans le fond, je suis d'accord avec toi. Mais si on gratte un peu, je veux dire, regarde, on est tous devenus... je ne sais pas si tu vas comprendre. Pff, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de comme ça discuter sur un coin d'un arbre. On va essayer, je vais essayer de pas trop... mais bon, revenons aux gilets jaunes. Parce que moi, je me dis que si on avait tous faim, vraiment la dalle, on serait beaucoup plus là. Tu vois ? Est-ce que le pouvoir, il n'a pas mis en place les moyens de donner un peu de liberté, des miettes, de ramasser les miettes. Bah regarde le gros gâteau. Attends, je finis, je développe mon truc. Comme ça, bah, les gens, ils ont quand même à bouffer. Bon, il y en a qui bouffent de la merde. Hein, tu vois, aujourd'hui, on est un peu à la... Bon, il y a des gens qui bouffent de la merde et puis ceux qui veulent bouffer des bonnes choses. Mais quand même, il y a de la merde à profusion, tu vois. Donc, le peuple n'a pas faim. Tu comprends un peu mon idée ou pas ? Je la comprends tout à fait, mais je ne suis pas d'accord avec elle. C'est-à-dire, j'y ai aussi beaucoup réfléchi. Tu sais, ma mère, elle vient d'une famille du sous-prolétariat agricole italien. Elle est née en 1920. À 3 ans, elle grattait la terre dans les latifundia dans une famille de 12 enfants. Je sais ce que c'est la faim et... par les témoignages de ma mère, et je sais ce que c'est la capacité de mobilisation ou pas quand on est vraiment le genou par terre et qu'on est en train de crever faim. Okay. La capacité de mobilisation est nulle parce que justement on passe son temps d'abord à survivre. Ok, mais attends, parce qu'on raconte toujours l'histoire vers Moi, je parle avant l'histoire de ta mère, avant encore l'histoire de ta mère et avant l'histoire de... Avant, quoi, tu vois? Non, je suis bataille. On vivait libre dans la nature, quoi. Je simplifie l'idée. Non, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. C'est pour ça que je suis fortement attachée au régime de la démocratie. C'est un régime sophistiqué. Et l'être humain est un être humain, c'est comme ça. L'être humain est un personnage qui est très sophistiqué, notamment qui a une dimension symbolique et intellectuelle. Nous sommes tous des intellectuels, hein, comme nous sommes tous aussi des manuels. Arrêtons de jouer avec ces divisions qui sont ridicules et qui nous mutilent quelque part. Hein. Quand on fait de nous des purs intellectuels ou de purs manuels, c'est une mutilation. Donc on est tous manuels et intellectuels. Mais la démocratie est un système qui est extrêmement compliqué et sophistiqué et nous le méritons bien, nous le valons bien parce que nous sommes effectivement des êtres très compliqués, c'est très bien comme ça. Ça veut dire que nous sommes capables d'inventer, de créer, de produire des choses absolument extraordinaires, des symphonies, des poèmes, des écritures, tout ça c'est vraiment merveilleux et nous avons tous en nous quelque chose d'extraordinaire, il faut s'assumer. Et donc des sociétés politiques où nous assumons tous comme des citoyens à construire toutes les conditions de protection les uns des autres parce que voilà, nous sommes à la fois extraordinaires mais fragiles et nous pouvons tous être fragiles à un moment ou à un autre de notre parcours, donc il y a des grands risques sociaux et pour ça il nous faut de nouveau une sécurité sociale fortement développée. Alors le principe, pourquoi je disais que la sécurité sociale est révolutionnaire, parce que bien sûr je m'inscris dans un contexte socio-historique particulier. Nous avons comme adversaire le capitalisme. Qu'est-ce que c'est le capitalisme? C'est simplement de la prébende, c'est simplement de la prédation. C'est utiliser la force de travail des autres, hein, pour essayer d'accumuler de plus en plus de pouvoir. Il est évident qu'une fois qu'on a accumulé 1 million, 2 millions, 3 millions, on n'a plus de l'argent, hein, on a du pouvoir pur. Hein. Donc c'est vraiment une espèce de dynamique mafieuse, hein, qui est de profiter du travail des humains qui produisent, qui inventent, qui fabriquent. Hein. Mais dans une société plus égalitaire, tu verrais comment alors les choses. Mais je termine avec cet aspect du capitalisme parce que c'est extrêmement important. Le capitalisme fonctionne à travers cette force d'accumulation financière. Il suffit de couper les réseaux de l'accumulation pour mettre le capitalisme à terre. Or, qu'est-ce qui se passait avec nos systèmes sociaux de services publics et de sécurité sociale? C'est qu'on avait inventé des circuits de redistribution immédiate de l'argent. L'argent était tout de suite cotisé à travers nos impôts, notre sécurité sociale, nos cotisations sociales, et tout de suite matérialisé en droits. C'est-à-dire que l'on court-circuitait par la consommation des droits, on court-circuitait les possibilités de l'accumulation financière. C'est ça le gros combat du néolibéralisme. Casser toutes les structures de socialisation des richesses parce qu'elles ne permettaient plus de capter une rente financière. Donc une fois que l'on comprend ça, on comprend que l'on peut battre le capitalisme et qu'on peut s'en sortir. Mais comment, hein? Comment? Ben, par cela, par le fait de socialiser les richesses. Et pour cela, il faut absolument faire sortir l'ensemble monétaire des systèmes de banques privées. Oui, mais comment on fait? Parce que là, tu es... dans la théorie. Non, je ne suis pas dans... Moi, j'ai discuté avec plein de gens. On est tous dans les concepts de comment est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses. Je pense que ça va. Il y a assez... Attends, il y a assez de lecture, il y a assez de... pour comprendre comment on peut changer ce capitalisme. Je pense que ça va. Mais concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Quoi, il faut faire sauter les banques? Comment tu vois les choses? Concernant justement le pouvoir du capitalisme, on est en train de perdre vraiment très lourdement la situation, étant donné que l'argent est en train de se dématérialiser. Ça veut dire que l'on est en train, en fait... Auparavant, seules les banques nationales avaient un pouvoir d'émission de la monnaie et dès lors on pouvait encore politiquement, à travers les parlements et les gouvernements, avoir un certain contrôle sur la richesse et sur l'équivalent monétaire de la richesse. Maintenant, on est en train de perdre. C'est un énorme combat que l'on a perdu et c'est une véritable catastrophe parce que oui, là maintenant, on est passé dans un pouvoir vraiment privé qui va être complètement contrôlé par les financiers. Donc de nouveau, par rapport à une solution politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repenser avec des solutions politiques. Hein, donc oui. Donc toi, tu vois la solution. Reprendre le pouvoir tous ensemble comme collectif citoyen et imposer une nationalisation complète des systèmes financiers bancaires. Je ne vois pas d'autre solution. Hein. Ah, bah oui. Mais oui, mais quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Reprendre le pouvoir des partis politiques? Il faut, comment ça se passe? Les partis politiques, il faut repenser complètement le système politique. Je veux dire, ce système politique a été petit... Enfin, non, mais comment on fait concrètement? Comment on fait concrètement? Il n'y a pas 40 000 solutions. Nos sociétés sont en train d'aller à volo. Nous cassons tous... concrètement à la figure tous les jours, ça va de plus en plus loin, de plus en plus de gens sont en situation de souffrance physique, sociale, psychique, alors soit on va être de plus en plus nombreux à vouloir transformer les choses, soit on va tous royalement se casser la figure, je veux dire, il n'y a pas 40 000 solutions. Quoi, d'aller comme ça à des ronds-points, enfin ouais, moi je... Non, il y a plein de... Comment est-ce que tu vois le combat à mener quoi? La théorie, évidemment que c'est tout ce que tu dis, il faut se réapproprier les choses. Mais comment? C'est ça le comment faire? Il y a la masse des gens qui croient plus en politique, c'est bon là, tu vois, on leur a assez fait quoi. Bah oui, parce qu'en fait, ils ne demandent pas mieux que de pouvoir comprendre, discuter, mais pas à travers les biais politiques actuels. Je veux dire, moi je fais de l'éducation permanente et populaire depuis 40 ans et je peux t'assurer qu'il y a une soif, vraiment une soif extrêmement large de comprendre, de parler, de discuter. Et c'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, les mouvements qui nous ont permis de changer les choses, c'était à travers le prosélytisme. Plein de gens sonnaient aux portes des copains, des gens dans le quartier et demandaient à parler. Il y avait des lieux de parole tout pleins au 19e siècle. Même si les gens ne savaient pas lire et écrire, ils parlaient, ils échangeaient, ils discutaient. On n'a pas le choix, hein, c'est notre arme. C'est la conviction, c'est la discussion. Et c'est essayer de partager ce sentiment de révolte, ce sentiment que nous sommes tous égaux et que c'est nous qui produisons et fabriquons la société de toute façon. Et donc, c'est nous qui avons droit à de pleins droits et pas à des restes de cacahuètes qu'on nous jetterait comme ça. Je veux dire, on n'a pas d'autre arme. La seule arme que l'on a, c'est essayer de faire collectif, essayer de faire société et de défendre la société. Oui, mais la question, c'est je sais que je me répète, hein, mais c'est comment, quoi? C'est discuter, c'est échanger, c'est faire de l'éducation permanente, de l'éducation populaire, et c'est espérer qu'il y ait de plus en plus de gens qui bougent. Hein. Je veux dire, les grands mouvements de où des gens sortent dans la rue, ça a toujours été une surprise. Je veux dire, on ne peut pas programmer une grande révolte, une révolution, par des mots d'ordre comme ça, et non, ça se fait toujours. Les grands ras-le-bol collectifs, on ne sait jamais quand ils vont arriver. Tu crois qu'il va y avoir un grand ras-le-bol collectif dans la rue, quoi, que c'est comme ça que le changement va se faire? Pas par les urnes? Ah non, ça, le système politique, je veux dire, non. On a eu 40 ans de dressage de la classe politique à la philosophie néolibérale. Je veux dire, il n'y a aucun parti politique actuellement qui ne peut sortir du système parce qu'il a besoin du système pour pouvoir fonctionner, s'exprimer, réfléchir, se présenter, être légitimé, être reconnu. Non, je veux dire, pour l'instant, c'est absolument du tout pas par les urnes que l'on peut s'en sortir. Et après, pour moi, il faut absolument bannir la professionnalisation du politique. C'est bien ça qui a été une catastrophe. C'est le fait qu'on ait pu être suffisamment con. Mais en général, c'est ça. Les trois quarts de l'humanité sont quelque part trop gentils. Hein. Ça fait partie un peu aussi de la mentalité de l'humain. On est trop gentil, on fait trop confiance, on croit qu'en donnant la gestion politique à d'autres, ils vont l'utiliser pour le bien commun. Ben non, ils l'utilisent pour eux, et puis voilà. Donc il faudra bien, à un moment ou à un autre, qu'on se dise que la seule façon d'aller vers autre chose, c'est que chacun s'assume. Je veux dire, en tant qu'humain, de toute façon, on n'a pas le choix. Nous sommes des animaux de société, nous devons faire fabriquer, instituer des sociétés pour fonctionner. Donc il faut absolument que l'on assume la responsabilité de faire fonctionner cette société, comme nous assumons la responsabilité de faire fonctionner notre noyau familial et de faire fonctionner toutes nos dimensions des autres rapports sociaux que nous inventons en tant qu'humains. Bah donc pour toi, c'est le début de quelque chose alors. C'est le début. On est dans, moi je le traduis comme ça aussi parce que on connaît pas le futur, on sait pas. Et donc ça, les mouvements comme ça ici, rond-point, les gilets jaunes, et puis les gens qui commencent de plus en plus à sortir dans la rue parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes. En fait, ce serait vraiment chouette qu'on se rejoigne tous ensemble dans quelque chose de commun pour affronter ce monde-là. Les grandes dynamiques collectives sont toujours intéressantes parce que c'est des moments où on se rend compte qu'il y a une véritable force sociale quand on est tous ensemble. Je trouvais, par exemple, le mouvement dit climat des jeunes, il y a, juste après le mouvement des gilets jaunes, était intéressant parce que quelque part, je veux dire, ce n'est pas un hasard qu'ils se soient suivis dans le temps. Les jeunes ont vu des gens bouger, ont vu des occupations dans la rue et se sont dit, nous aussi. D'ailleurs, tout de suite, cette idée de faire des actes et de prendre le samedi comme jour de manifestation symbolique, on voit bien que c'est simplement une reprise de ce que les mouvements des gilets jaunes avaient fait. Et c'est toujours à travers les dynamiques collectives que les gens se politisent, en fait, que les gens se rendent compte qu'il y a des dimensions qui peuvent nous organiser et qui nous dépassent, nous, individus, qui nous permettent vraiment de poser des questions plus larges, qui nous permettent d'avoir une force beaucoup plus large. Et donc là, l'air de rien, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont politisés, c'est-à-dire qu'ils ont aussi découvert ce pouvoir qu'il y a à être ensemble et ce pouvoir d'action, qu'on peut faire des choses quand on bouge. Et, bon, alors, maintenant, je ne sais pas comment ils vont traduire ça, mais il y a eu vraiment, et pour moi, c'est une perspective d'avenir, vraiment une forte politisation de jeunes. Ils vont peut-être en faire des réseaux de circuits d'alimentation parallèles. Certains vont peut-être devenir des agriculteurs qui veulent gérer l'environnement de manière complètement différente. Ils se retrouvent peut-être... financiers ou des financiers. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que tous les jeunes vont d'office changer le monde. Mais pas tous les jeunes, mais en tout cas ceux qui ont senti ça, qui ont senti cette nécessité. Bon, bien sûr, je veux dire, on peut aussi oublier, rentrer dans l'or, devenir conformiste, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais dans la possibilité, il y a cette possibilité-là aussi. Tout à fait. Ça a été simplement un coup de mode, genre c'est bien d'être rebelle dans la rue et pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut tout à fait. Mais il y en a pour qui ça a laissé des traces. Oui, on espère. Voilà, c'est tout ce que... On n'a de toute façon pas d'autres possibilités. Hein. Notre seule arme, c'est le nombre. Notre seule arme, c'est le nombre. Donc, il faut qu'on essaye de faire nombre. Et tiens, juste comme ça, une petite parenthèse. En France, tu as suivi le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui était beaucoup plus costaud, plus fort. À ton avis, pourquoi ça s'est tombé ? Parce que c'était super beau, hein, cet élan comme ça qui venait à l'improviste. Parce que l'on ne peut pas vivre dans l'exceptionnel tous les jours. Je veux dire, l'être humain a besoin d'une vie ordinaire. Il a sa famille, il a ses enfants, il faut que tout ça fonctionne, c'est beaucoup de responsabilités, il y a son boulot aussi. Et je veux dire, une des façons... de faire en sorte que les personnes ne peuvent pas utiliser du temps libre, c'est-à-dire du temps où ils peuvent s'exprimer politiquement et faire des choses politiques, c'est le fait que là, on est en train de repartir pour des journées de travail complètement harassantes, avec en fait une quadruple tâche. On se retrouve tous à faire 3-4 boulots en un seul, vu qu'on supprime plein de postes. Donc on est tous, c'est pas pour rien, les burn-out ne viennent pas de nulle part. C'est qu'on nous pousse tout le temps à bout, on nous fait faire des choses. Les gilets jaunes qui ont... Et le mouvement, le mouvement qui s'est un peu... à mon avis, il est dans l'ombre, hein, mais voilà, ça donc, s'est épuisé. Pourquoi, à ton avis ? Le mouvement s'est épuisé pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons que je dis, on ne peut pas vivre de l'exceptionnel et de l'extraordinaire sur un très, très, très long terme, parce qu'il faut faire fonctionner sa famille et tout. Il y a des familles qui aussi ont été malmenées, où les gens ont dû prendre des décisions, hein, c'est soit s'occuper de moi et des gosses, soit que ce soit l'homme ou la femme, soit on se brise, quoi. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a le problème de l'épuisement. C'est extrêmement épuisant de se mobiliser sur un très long terme pendant un an et demi. Il y a des moments où on a envie de passer à autre chose, faire autre chose, de simplement se reposer. Hein. Il y a aussi le fait qu'il y avait une dynamique très intéressante qui est en train de se passé avec une alliance entre des syndiqués dans la base syndicale française et avec toute une série de gilets jaunes lors des mouvements de décembre 2000. On est déjà là en 2000, que ça passe vite. Non, en 2021. Oui, oui, non, moi je repars. Ah oui, tu réfléchis. Là, c'était en 2000. Ça n'a pas d'importance. 18, c'est en 2018. Bon, oui, pour moi, les dates, c'est important. Donc en décembre 2000. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est en décembre 2019. Avant le Covid, donc il y avait une des belles alliances qui était en train de se faire contre les politiques de retraite qui étaient en train de se mettre en place. Et puis effectivement, il y a le Covid qui est tombé entre guillemets au bon moment pour mettre en place des mesures autoritaires, casser les rassemblements, casser les possibilités de manifestation. Alors bon, je ne veux absolument pas du tout dire que le virus n'existe pas. Il existe, mais la manière dont politiquement la situation a été gérée est totalement délirante et totalement catastrophique. En termes de casser des droits fondamentaux, expression, manifestation, rassemblement, et aussi en termes de santé publique, bien sûr. On a, le système est dans des dynamiques de privatisation et de mise en avant des grands acteurs financiers internationaux pour qu'ils fassent le plus de profit possible, et on continue à fonctionner dans cette dynamique-là. Alors qu'il aurait le virus du Covid n'est jamais qu'un virus un peu compliqué et un peu problématique, d'un rhume, d'un coryza particulier. D'accord, il est un peu plus méchant qu'un rhume ou une grippe ordinaire, mais ça reste de l'ordre du normal et de la banalité à l'échelon de la vie humaine et de la société humaine. Il y a des milliers de virus tous les jours autour de nous. Si parce qu'un virus arrive, tout d'un coup, les sociétés doivent s'arrêter et tomber dans des mesures de contrôle dignes d'une dictature. Qu'est-ce qui se passerait si on se retrouvait avec une vraie merde qui menacerait la moitié de la population? Je crois que c'est vraiment des questions qu'on doit absolument se poser. Pour moi, le système politique actuel a mis en place une véritable caste au pouvoir qui tire son pouvoir et ses intérêts de cette dynamique de financiarisation et de privatisation. Et il n'est pas question pour eux de changer d'un iota notre fonctionnement. Tout ce pouvoir, ils l'ont eu des dynamiques de privatisation. Donc il n'y a pas pour eux possibilité de revenir en arrière et de refinancer les services publics. Mais c'est ça pourtant la démocratie, les possibilités du bien vivre ensemble, ce sont des systèmes notamment de soins, avec le nombre suffisant de personnel et de matériel. Or, du matériel on en a, mais on ne pourrait, bon, toute cette histoire burlesque autour des lits, du nombre de lits, je dirais, est complètement fou. Nous avons des structures hospitalières extrêmement vaste, énorme, vide et inoccupé, comme tout le grand centre d'urgence à Nevers-Overenbeek. Mais on ne peut pas les utiliser parce qu'il n'y a pas d'infirmiers et d'infirmières et de personnel de soins en suffisant. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de crise Covid si on avait engagé et réellement refinancé une politique de démultiplication des emplois dans le secteur. Hein. Donc on nous met en situation de violence sociale grave, pour ne pas avoir à refinancer le service public, ce qui va nous enfoncer de plus en plus dans cette situation, dans une situation de plus en plus violente. Parce que depuis 40 ans, tout ce que le néolibéralisme a pu montrer, c'est que leur conception philosophique est une dynamique qui casse la société. Elle ne fonctionne pas. Elle aggrave les choses en termes de rapport de solidarité sociale de plus en plus. Or, chaque fois qu'il y a une crise, la solution choisie, c'est de faire encore plus fort ce que l'on a fait précédemment et qui nous met dans des situations de crise. Donc, oui, on va vraiment vers des situations de chaos. Et en situation de chaos, on sait très bien comment les gens au pouvoir gèrent les choses. On prend l'armée et on met des chars dans les rues. Bon, voilà. Conclusion de tout ça, on termine. La dernière phrase de tout ça, la dernière pensée, la dernière... La société humaine peut être quelque chose de fantastique, mais effectivement, ça passe par tout un travail d'apprentissage et de regard des uns et des autres comme des égaux. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, on peut craindre le pire, alors qu'on pourrait imaginer vraiment le meilleur. Merci, hein.